بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب التوحيد للإمام محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة بشرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا التوفيق والسداد وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكما نسأله المولى جل وعلا أن يحسن ختامنا وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة. وبعد، donc on va continuer inchallah sans plus attendre sur l'explication de ce chapitre. Et comme on avait dit dans les allocutions précédentes, donc on est en train d'étudier un sujet qui est très important. Donc ce chapitre est un chapitre parmi les chapitres qui sont d'une importance capitale, comme tout le sont les chapitres de ce livre qu'a évoqué et rédigé l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Entre autres, ce chapitre traite d'un attribut parmi les attributs divins, parmi les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'attribut de ce qu'on appelle en arabe al-Qudra, al-Qudra. Et donc l'attribut du pouvoir absolu, bien de la capacité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à faire tout ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah est capable de tout, subhanahu wa ta'ala, et rien ne peut le réduire à l'impuissance ou bien à l'incapacité. Allah Jalla wa Ala, comme on a appris, est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Donc parmi ses attributs divins de perfection, l'attribut du pouvoir absolu et de la capacité à faire tout ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Wa la yu'ajizuhu shay, comme on avait pris dans le verset, Allah Jalla wa Ala dit, et rien ne peut le rendre incapable. Rien ne peut le réduire, en d'autres termes, à l'incapacité ou bien à l'imperfection. Allah Jalla wa Ala, il détient le pouvoir absolu sur ses êtres, sur les humains, sur ses créatures, sur sa création. Allah Jalla wa Ala, fahuwa al-qadir, wa huwa al-qadir, al-muqtadir, subhanahu wa ta'ala. Et donc aussi parmi les enseignements qu'on a appris dans ce chapitre, et ces enseignements sont importants, de savoir, précédemment dans le chapitre précédent, on a appris que le Seigneur qu'on invoque, le Seigneur qu'on adore, n'est pas sourd et absent. Et bien au contraire, ce Seigneur, il est audient, omniscient, clairvoyant, et il est proche, ce Seigneur. Donc ça, on l'a appris dans le chapitre précédent. Et dans ce chapitre, on est en train d'apprendre qu'en plus, ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, exalté soit-il, Allah Jalla wa Ala, a le pouvoir absolu sur ses créatures. Et donc Allah Jalla wa Ala est capable de toute chose. Donc Allah peut faire ce qu'il veut et rien ne peut le réduire à l'impuissance ou l'imperfection. Allah Jalla wa Ala peut faire ce qu'il veut. Et ça déduit que le croyant, lorsqu'il s'en remet véritablement à Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut lui demander ce qu'il veut. Allah Jalla wa Ala peut tout faire, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le sens de Allah ala kulli shay'in qadir. Et Allah est capable de tout. Il a le pouvoir sur tout, subhanahu wa ta'ala. Et donc ça va encourager et mener le croyant et la croyante à invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Même à lui demander des choses, même lorsque le croyant voit que certaines choses sont immenses, c'est des choses qui sont grandes, et pour lui c'est quelque chose de trop grand, qui n'hésite pas, qui demande à Allah Jalla wa Ala. Rien ne peut réduire Allah Jalla wa Ala à l'incapacité. Allah peut tout faire, subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il veut, Allah Jalla wa Ala, il suffit de lui dire « soit » et « elle est existante ». C'est pour ça que ce chapitre est très important. Ça va renforcer la croyance du croyant et ça l'encourage à toujours revenir vers ce créateur qui a et qui détient le pouvoir absolu. Entre autres aussi, on a dit qu'on a appris un enseignement qui est très important à travers l'étude de ce chapitre. L'imam al-Bukhari, si on observe d'une manière minutieuse, et ça c'est pour ça que c'est l'observation des grands théologiens et des grands savants de cette communauté, entre autres, en l'occurrence, c'était la notation qu'a fait l'auteur du commentaire chez Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, elle est vraiment très pertinente, dans le sens qu'elle est vraiment subtile, cette précision, et minutieuse. Du fait qu'il nous enseigne dans son commentaire que l'imam al-Bukhari fait allusion dans ce chapitre lorsqu'il a mentionné le verset qu'il a cité en guise d'intitulé, où qu'il y a le mention du nom d'Allah Jalla wa Ala, Al-Qadir, celui qui a le pouvoir absolu, avec la mention de ce hadith, le hadith relatant la prière de consultation, et dit que l'auteur, l'imam al-Bukhari, veut sous-entendre quelque chose d'important. Quelle est cette chose? Il fait allusion au fait que les noms d'Allah, les noms sublimes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce ne sont pas des noms dénués ou exempts de tout sens. Mais bien au contraire, ce sont des noms qui renferment et sous-entendent et dénotent d'essence. Donc tous les noms divins d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tous ces noms sublimes et magnifiques, tous ces noms-là sous-entendent et dénotent un attribut. C'est pour ça qu'ils sous-entendent des sens très importants. Et ça, on l'a bien illustré dans la dernière allocution, on avait donné des exemples. À titre d'exemple, parmi les noms d'Allah, Ar-Rahman, Allah est le tout miséricordieux. Donc cela sous-entend et dénote l'attribut de la miséricorde. Donc Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ce n'est pas un nom dénué de tout sens, mais au contraire, il renferme des sens. Lorsqu'on dit qu'Allah est le tout miséricordieux, cela veut dire qu'Allah, Jalla wa Ala, est celui qui détient la miséricorde infini et c'est celui qui fait miséricorde. C'est celui donc qui fait miséricorde à ses créatures. Donc il a l'attribut de la miséricorde. Donc Allah Jalla wa Ala est le tout miséricordieux par excellence. Et comme cela, tous ces noms, tous les noms divins, tous les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous les méditez réellement, vous les apprenez hein, et vous les comprenez, donc vous allez vous rendre compte que tous ces noms sous-entendent des sens immenses que doit connaître le croyant. C'est pour ça qu'on avait dit que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis pour celui, par exemple, qui apprend ces noms, qui apprend les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on a dit les apprendre, ça sous-entend les apprendre, les comprendre et œuvrer dans le sens de ces noms. Mais ce n'est pas juste un apprentissage, une mémorisation. Dénué de toute compréhension ou bien de toute compréhension des sens que dénotent ces noms. Et donc c'est pour ça que ce point-là était très important, c'est une précision et un point subtil qu'a évoqué Sherman Athaymin lorsqu'il dit que l'auteur, l'imam al-Bukhari, en mentionnant le hadith de la prière de la consultation, il fait allusion à cette question très importante, au fait que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont pas des noms dénués de tout sens, mais au contraire, ils renferment des sens qui sont immenses. Ils renferment des sens, et donc on a vu à travers l'étude de ces chapitres qu'on a donné des exemples à cela. Et en l'occurrence, on a vu que dans la prière de la consultation, on voit qu'il y a, dans cette invocation-là, il y a le fait de demander à Allah, Jalla wa Ala, par son pouvoir absolu, par sa capacité totale, c'est-à-dire par al-Qudra. Moi, je la traduis de cette manière, de manière relative, mais le terme hein, en arabe le plus subtil, c'est al-Qudra, sifatul Qudra, l'attribut du pouvoir ou de la puissance ou bien de la capacité. Et donc, de ce fait, on voit que dans la prière de la consultation, donc, il y a référence à cet attribut. D'où le lien entre la prière de la consultation, ce hadith, avec l'énoncé du chapitre, en l'occurrence le verset qu'a mentionné l'imam dans ce chapitre. Donc vous pouvez remarquer que vous avez vu qu'on répète ici en guise de révision. Donc en guise de révision, je reprécise ce qu'on a dit hier. Hein. Pourquoi? Parce que ce point-là, c'était vraiment un point précis et minutieux qu'a rapporté l'auteur du commentaire. Et c'est vraiment un point qu'il faut comprendre ici. Et donc c'est un enseignement qui est grand. Celui qui a compris cela, donc il ne va pas considérer les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme des choses qui n'ont pas de sens. Il y a des choses dans la vie, des choses qui n'ont pas de sens, qui sont dénuées de tout sens, qui sont exemptes de tout sens. Il y a des choses dans la vie qui n'ont pas de sens, en quelque sorte. Mais les noms d'Allah, Jalla wa Ala, ne font pas partie de ces choses qui sont dénuées de tout sens. Au contraire, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les noms divins, ces noms sublimes et magnifiques, dénotent des sens qui sont immenses. Et c'est pour cela que on insiste bien sur cela. Et à travers l'étude des chapitres précédents, on a bien pu voir la réalité de cela. Lorsqu'on a étudié, par exemple, comme on l'a dit précédemment, l'attribut de la miséricorde, lorsqu'on a étudié le nom Al-Hakim, par exemple, le sage, lorsqu'on a étudié le nom Al-Alim, celui qui détient la science infinie, hein, l'omniscient, traduction relative, lorsqu'on a étudié, par exemple, comme on a dit précédemment, le nom Al-Samir, ou Al-Basir, l'audient, le clairvoyant, lorsqu'on a étudié le chapitre relatant l'attribut de Al-Izza, de la puissance, donc on a étudié le nom Al-Aziz, hein, le tout-puissant. Donc on a vu un peu l'essence que dénotaient ces noms divins. Et donc ça, c'est très important à toujours garder à l'esprit ces sens-là. Ensuite, donc on avait commencé à étudier plus en profondeur la prière de consultation. Et donc on avait dit que donc la prière de consultation, ce qu'il faut savoir, c'est une manière que nous enseigne le prophète Sansem, que lorsqu'on est indécis, lorsqu'on a un choix à faire, mais on ne sait pas, on est hésitant concernant ce choix, alors de consulter Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement. Et donc le prophète sallam nous a enseigné comment consulter Allah jalla wa'ala. C'est pour ça qu'on appelle ça la prière de consultation, tout simplement. Vous avez une affaire, vous avez un choix à faire dans votre vie. Comme on l'a dit, on a donné des exemples précédemment. Ça peut être pour un mariage, ça peut être pour un commerce, ça peut être pour un investissement, ça peut être pour un voyage aussi, pour un voyage ou autre. Alors, vous êtes indécis. Consultez Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous ne savez pas choisir entre telle chose ou telle chose, le prophète sallam nous a enjoint cette prière de consultation. Et ça, c'est un grand bien pour les croyants. Et on a dit tellement que cette prière était importante que le prophète sallam l'enseignait comme il enseignait à ses compagnons les sourates du Coran. Tellement que celle-ci est importante. Et de ce fait, on apprend que celui, par exemple, qui veut enseigner quelque chose de bénéfique à autrui, qu'il enseigne cette prière de consultation. C'est pour cela le fait qu'on l'apprenne, l'âme, celui qui a bien compris ce cours, celui qui a bien assimilé par exemple ce cours, ensuite qu'il enseigne par exemple à des proches parents la prière de consultation, qu'il enseigne aux enfants la prière de consultation. Regardez, ces invocations-là sont très importantes et renferment des sens très importants. Donc, ça, c'est des choses à enseigner. Donc, parfois, on est en famille. S'enseigner et se faire le rappel sur les questions, par exemple, liées à la prière de consultation. C'est pour ça qu'il faut soi-même déjà comprendre. Et là, c'est un grand bien que nous a offert le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une sorte de libération lorsqu'il nous enseigne que on peut consulter Allah, ce printemps-là. Et Allah, jalla wa ala, veut de nous cela. Et Allah agrée cela de son serviteur. Et Allah est satisfait de cela, du fait que son serviteur revienne vers Allah, ce printemps-là. Ça fait partie des choses. Lorsqu'on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc on consulte Allah subhanahu wa ta'ala, on revient vers lui pour savoir quel est le meilleur choix à prendre. Et donc Allah jalla wa ala ne peut que répondre favorablement à ses serviteurs qui reviennent vers lui et qui lui font confiance et qui croient au pouvoir absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala et en la connaissance infinie d'Allah, en la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que, alors qu'on avait dit, hein, que les polythéistes arabes à l'époque dans la péninsule arabique, au temps pré-islamique, au temps de Jahiliya, eux, lorsqu'ils avaient un choix à faire dans leur vie, au lieu de consulter le créateur de cette vie, le créateur de ce monde, le vivant qui ne meurt point, le vivant celui qui a la vie éternelle et qui ne mourra jamais, il a toujours été, il sera toujours Allah subhanahu wa ta'ala, eux, ils consultaient des sortes de flèches ou des baguettes, comme on avait dit. Et on avait dit que les Arabes aussi étaient pris par ces superstitions, donc ils étaient superstitieux. Donc on avait dit parfois, lorsqu'ils sortaient, ils pouvaient voir une chose, et ensuite, pour eux, c'était mauvais augure, et c'était mauvais présage, et ensuite, ils s'abstenaient de toute chose, et ils s'abstenaient de tout projet. Donc si en ce jour, ils avaient des projets à entreprendre, alors ils s'abstenaient de tout ce qu'ils devaient faire. Donc ces gens étaient, on va dire, emprisonnés. Emprisonnés sous ces superstitions, ces fausses croyances, c'est ce qu'on appelle l'azlam. Regardez, lorsqu'ils veulent consulter, au lieu de consulter le Créateur, ils consultaient des baguettes, des choses dénuées de tout sens, des choses insignifiantes, des choses qui peuvent venir nuire ni octroyer profit. Et malgré ça, ils revenaient à cela. Regardez, L'islam, lorsque l'islam est venu, comme on l'a dit hein, la fois dernière, ça a libéré la pensée, ça a libéré les consciences, ça a libéré les hommes. Et de ce fait, le prophète sallam a enseigné à ses compagnons, au lieu de revenir, il a enseigné aux gens, au lieu de revenir à des choses insignifiantes, des choses dénouées de tout sens, hein, revenez plutôt à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, dans la prière de consultation. Et donc, le prophète sallam leur enseignait cela en toutes choses. Et on avait expliqué le terme en toutes choses. Et il nous restait de comprendre l'essence. Donc, on avait commencé, on avait expliqué sur le sens Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Donc, ô Seigneur, je te consulte par ta science. Donc, là, je te consulte par ta science. On commence le dua en disant cela. Je te consulte par ta science. C'est-à-dire, je te demande le meilleur. Je te demande le meilleur choix à faire. C'est-à-dire que la personne, par exemple, s'il doit choisir entre deux choses, pourquoi? Parce que l'istikhara, yastakhir, c'est choisir entre le meilleur. Ce qui est meilleur entre deux choses. Khair al-amrayn. C'est pour ça qu'on appelle ça istikhara. Khair al-amrayn hasab ma ta'lamu. Selon ton savoir, y est Allah. C'est pour cela que là, on s'en remet véritablement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on dit, wa astaqdiruka bi qudratik. Et je t'implore par ta capacité, par ton pouvoir absolu. Et dans le sens, atlubu minka al-qudra bi qudratik. Fahuwa tawassulun bil qudra. Pourquoi? Donc là, on cherche maintenant, on invoque Allah Jalawarana et on cherche une solution à notre problème. Par exemple, la personne, il a un choix à faire et donc là, il se retourne vers Allah, il s'en remet à Allah Jalawarana en implorant Allah par sa capacité, par son pouvoir absolu. Puisque c'est Allah Jalawarana qui a le pouvoir absolu sur toute chose. Donc c'est Allah Jalawarana qui peut nous accorder tout bien. Donc c'est pour ça qu'on revient à lui pour savoir est-ce que dans notre choix qu'on veut faire, est-ce qu'il y a véritablement un bien ou pas. Et donc de ce fait, s'il y a un bien, on demande à Allah Jalawarana qui nous destine ce bien-là. Ensuite on avait dit, on dit wa as'aluka min fadlik et je te demande min fadlik de ta grâce. Pourquoi? Parce qu'on avait bien stipulé que l'individu qadir qadiru ala shay, peut-être il a la capacité de faire une chose, il a la capacité d'obtenir cette chose, mais même s'il obtient cette chose, ça se trouve que cette chose n'est pas un bien. Et ça se trouve qu'en réalité, ce n'est pas une grâce. Et donc, que cette chose est dénuée de toute bénédiction. Donc, cette chose, peut-être, elle n'a pas de bénédiction, elle n'est pas mubaraka. Peut-être que cette chose n'est pas bénite. Donc, parfois, on a la capacité de faire une chose, on a la capacité d'obtenir cette chose, mais qu'est-ce qui nous dit qu'en cette chose, il y a un bien? Qu'est-ce qui nous dit que cette chose, c'est une grâce de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Et qu'est-ce qui nous dit que cette chose, elle va être bénite de la part d'Allah? Donc, ce qui est important pour le croyant, c'est qu'il obtienne une chose qui fait partie des grâces d'Allah et une chose qui est bénite par Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, pouvoir faire une chose, cela ne suffit pas. On apprend ici que pouvoir et avoir la capacité de faire une chose, cela ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut que cette chose fait partie des grâces d'Allah, que ça soit un bien et que cette chose soit bénite de la part d'Allah. C'est pour ça, regardez, dans cette prière de consultation, c'est pas en vain lorsqu'on dit wa as'aluka min fadlika wa as'aluka min fadlika. Dans une traduction du sens, on pourrait dire et je te demande, ô Allah, que tu m'octroies une part de ta grâce immense. Ô Allah, je te demande que tu m'octroies une part de ta grâce immense. Wa as'aluka min fadlika. Donc vous avez vu hein, le fait de comprendre chaque phrase qu'il y a dans cette formule, ça va nous aider. Pour ceux qui l'ont déjà mémorisé, walilalhamd, pour ceux qui la connaissent, c'est un grand bien. Mashallah, donc ça va vous rajouter un peu de connaissances. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà mémorisé, ils la comprennent déjà. Pour ceux qui sont arabophones, peut-être ils la comprennent déjà. Mais Cheikh Ibn Al-Athaymeen ici nous rajoute certaines subtilités et certaines précisions. Donc ça va vous rajouter de la connaissance et d'éléments profitables. Et ceux qui ne la connaissaient pas, lorsque par exemple ils la faisaient, ils utilisaient le livre, par exemple, vous avez vu, cette doa est célèbre, elle est répandue dans les livres comme dans la Citadelle du musulman ou d'autres recueils d'invocations. Donc certains peut-être parfois s'appuyaient sur le livre et cédaient du livre. Cédaient du livre. Donc ceux par exemple qui n'ont pas mémorisé ou qui ne la connaissaient pas, eh ben, le fait de comprendre l'essence comme on le fait là, comme on l'a fait précédemment pour At-Tashahhud et autres, eh ben ça va nous aider à la mémoriser, ça va nous aider à l'apprendre. Pourquoi? Parce que apprendre une chose qu'on comprend, il est plus facile de l'apprendre. Ça nous aide et c'est plus facile d'apprendre une chose qu'on comprend que d'apprendre une chose qu'on ne comprend pas. Dans tous les cas, il y a toujours le mérite d'apprendre une chose qu'on ne comprend pas, tant que c'est le Coran ou c'est des invocations. Mais ensuite, essayer de comprendre ce qu'on apprend, là, ça va rajouter du sens à cela. Donc après, regardez qu'est-ce qu'on dit. Là, on dit فَإِنَّكَ تَقْدِرْ وَلَا أَقْدِرْ وَتَعْلَمْ وَلَا أَعْلَمْ وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ. Et à ce moment-là, là, on va avouer devant Allah, on va admettre notre situation en disant car toi, certes, tu sais, moi, je ne sais pas. Ou plutôt, pardon, on dit فَإِنَّكَ تَقْدِرْ وَلَا أَقْدِرْ. Certes, tu as la capacité, alors que moi, j'en suis incapable. Donc regardez, là, on reconnaît le pouvoir absolu d'Allah. Et sa capacité à faire toute chose, subhanahu wa ta'ala, sa capacité sur toute chose, en admettant notre incapacité à nous. Et là, il n'y a pas une meilleure manière pour invoquer Allah et pour demander à Allah, Jalla wa ala, pour l'implorer, si ce n'est d'avouer ses manquements et ses déficiences, d'avouer sa, eh ben, on va dire sa faiblesse. Admettre sa faiblesse à même Allah, devant Allah, on n'est rien. L'individu, il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc devant son Seigneur, l'individu, eh ben, il est indigent, il est pauvre. Il est pauvre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Eh ben, le fait d'avouer cela, d'avouer que devant notre Seigneur, on n'est rien, d'invoquer Allah avec toute humilité, se rabaisser pour Allah, se rabaisser pour son Créateur, comme cela, Allah Jalla wa ala répond à ses serviteurs. Ses serviteurs qui font preuve de dévotion. C'est ça la dévotion. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. À savoir que les savants, lorsqu'ils définissent, regardez dans les livres d'Ibn Qayyim et d'autres savants, lorsqu'ils définissent l'adoration, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est rayatul hub ou rayatul dhul. L'adoration, qu'est-ce que l'adoration? C'est d'adorer Allah avec l'amour complet et parfait et avec l'humilité totale et absolue. Humilité totale et absolue. C'est-à-dire que lorsqu'on adore Allah, l'adoration sous-entend, dénote qu'on doit l'adorer avec humilité. Donc ça fait partie de la dévotion. Là, dans cette invocation-là, on avoue, tout simplement. On est en train d'admettre notre faiblesse à même Allah. Et on le consulte, pourquoi? Parce que lui, il a la capacité, subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir absolu. Alors que nous, on n'a pas ce pouvoir-là. Nous, on n'a pas ce pouvoir absolu. On n'a pas cette capacité. Et ensuite, regardez, on avoue quelque chose d'autre aussi. Et c'est bien pour ça aussi qu'on l'invoque et qu'on le consulte. Pourquoi? On lui dit ensuite, wa ta'lam wa la a'lam, wa anta 'allamul ghuyub. Car certes, toi tu sais, moi je ne sais pas. Et là, on avoue aussi une faiblesse, un manquement de savoir. On n'est rien comparé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on a besoin d'Allah constamment. Et le musulman, le croyant, il doit s'éduquer comme cela. Et donc, il doit reconnaître son incapacité, il doit reconnaître sa faiblesse et il doit reconnaître son ignorance. Il ne sait pas. Et là, il n'y a pas une meilleure manière aussi. C'est pour ça que cette manière dont le prophète Hassan enseigne à ses compagnons de consulter Allah Jalla wa ala, est une manière des plus remarquables. Du fait que, regardez, là, on consulte Allah parce qu'on avoue notre ignorance. On ignore quel est le meilleur choix à faire. Et on ignore est-ce que cette chose est réellement un bien pour nous, va dans notre intérêt, c'est un avantage ou non. Ou bien un mal plutôt. Alors on ne sait pas, c'est pour ça qu'on est hésitant. Est-ce que cette chose c'est un mal ou bien c'est un bien pour nous? Alors là, on dit à Allah, wa ta'lam wa la a'lam. Toi tu sais, moi je ne sais pas. Wa anta 'allam al-ghuyub. C'est toi qui connais parfaitement les choses invisibles ou bien les mystères par exemple, les choses inconnues. Donc lorsqu'on dit wa anta 'allam al-ghuyub, là on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient la science de l'invisible, la science de l'inconnu. Et personne d'autre ne connaît et détient cette science et ce savoir-là, comme on l'a appris, bah, par exemple, dans les chapitres précédents, on a appris cela. Et donc, comme Allah Jalla l'a dit dans un verset, قُلْ لَا يَعْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, personne ne sait parmi ceux qui sont dans les cieux et sur terre, personne parmi eux ne connaît la science de l'inconnu, de l'invisible, si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il est le seul. Et dans cette invocation, on admet cela. Et on confesse, on professe cela. Anta'allam al-ghuyub. Et c'est là qu'ensuite on dit Allahumma. Donc maintenant, On va passer à la demande. Vous avez vu cette longue éloge qu'il y a et le fait que là, on fasse part de notre situation et de notre état. Ensuite, on dit Allahumma in kunta ta'lam hadha al-amr. On dit ô Seigneur, après cet éloge-là, le fait qu'on ait admis notre situation, on ait avoué notre faiblesse, notre appauvrissement. Alors là, on dit ô Seigneur, si tu sais que cette affaire est un bien pour moi. Et donc là, le prophète, il dit à ce moment-là, on doit mentionner quelle est cette affaire. On doit évoquer l'affaire. Donc là, on dit, ô Seigneur, si tu sais que cette affaire est un bien. Et là, vous évoquez, par exemple, si c'est une personne qui a un doute, il hésite, il a connu une personne pour se marier. Donc, par exemple, il a fait le muqabala, il a fait une rencontre. Donc maintenant, il doit donner sa décision. Et donc là, est-ce qu'il se marie avec cette personne ou il se marie pas avec cette personne? Donc il a des informations au sujet de cette personne, mais il est hésitant. Est-ce que, par exemple, cette femme qui veut se marier avec cette personne, est-ce que cet homme, eh ben, sera un bien pour elle et pour sa vie d'ici-bas et pour son au-delà, ou bien sera l'inverse, sera pas un bien pour elle et pour cette vie d'ici-bas et pour son au-delà, ou bien l'inverse, un homme qui veut se marier avec une femme et demande là, est-ce que cette femme, par exemple, pour ce mariage, sera un bien pour lui dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, par exemple. Donc il consulte Allah parce qu'il ne sait pas lui. Donc, il demande à Allah, Jalawarana, ô Seigneur, si tu sais que cette affaire, donc il va citer, ce mariage, par exemple, avec telle personne, est un bien pour moi, khayran li, pour ma vie d'ici-bas, pour ma religion, et on va expliquer ensuite ce qu'on dit. Alors, on demande à Allah, Jalawarana, qui nous prédestine cela. Ensuite, on a dit, ça peut être un autre projet, un voyage, par exemple, comme on a dit précédemment, ça peut être un investissement, ça peut être une association avec quelqu'un pour un commerce, ou autre, ou autre. La personne, elle a un doute sur une affaire, là, elle consulte Allah de cette manière. Donc, l'affaire, on la nomme. Le prophète, ça nous dit à ce moment-là, on nomme l'affaire, et qu'est-ce qu'on va dire? Regardez, on va dire tout simplement, si tu sais que cette affaire, lorsqu'on l'a nommée, hein, si tu sais que cette chose, donc on la nomme clairement, comme on a dit, est une chose ou une source de bien pour moi, dans ma religion, dans ma vie présente, et ici-bas, et dans l'au-delà, destine-la moi, et facilite-la moi, puis bénis-la pour moi. Vous avez vu? Donc là, on demande vraiment, si cette chose est une source de bien pour moi, dans ma religion, vous avez vu ce que le prophète nous enseigne de dire, il faut que ça soit un bien pour notre religion, dans ma vie présente, et ici-bas. Et l'au-delà. Alors on demande à Allah qu'il nous la destine, qu'il nous destine cette chose. Donc on voit bien l'important, c'est aussi bien notre vie d'ici-bas, notre religion et notre au-delà. Contrairement aux gens à l'heure actuelle, on a dit, hein, maintenant les sociétés, avec les siècles, hein, qui se sont écoulés, on voit que les sociétés avec la mondialisation, maintenant les gens sont devenus matérialistes, les gens ne croient qu'en l'argent, les gens ne croient qu'en matériel. Et là, et malheureusement, les gens ont été éduqués dès leur plus jeune âge sur ça, hein, puisque les sociétés, à présent, beaucoup de sociétés, que illa man rahim Allah, si ce n'est ce qu'Allah Jalla leur a accordé la miséricorde, que très peu de gens ont été épargnés. La majorité maintenant ont succombé à ça. Et donc, depuis leur plus jeune âge, hein, et leur tendre âge, on leur a inculqué ces principes-là, le matérialisme, la mondialisation, etc. Donc les gens aujourd'hui sont devenus matérialistes et ne croient qu'au pouvoir, ne croient qu'en l'argent, ne croient qu'au bien, ne croient qu'au matériel. Et on voit que les gens, leur projet, toute leur vie, elle est basée pour ici-bas. Faire des projets ici-bas. Devenir propriétaire ici-bas. Ce qui n'est pas interdit de devenir propriétaire lorsqu'on en a les moyens, mais c'est carrément à en oublier l'au-delà. Alors, ayez une maison ici-bas, mais on ne pense pas avoir un palais, une maison au paradis. Alors qu'Allah, Jalla Wala, nous promet des palais et des maisons au paradis. Ces gens-là ne pensent pas à ça. Ces gens-là ne voient que cette vie d'ici-bas. Ils ne considèrent que cette vie d'ici-bas. Et la dangerosité de cela, c'est que le fait qu'on vit dans cette atmosphère, on vit au sein et en pleine mondialisation. On vit en plein changement. Vous avez vu avec l'écoulement des siècles, hein, on voit que maintenant on vit dans ces sociétés où que la mondialisation et le matérialisme fait prime ou prévaut. Eh ben, l'individu, il n'est pas à l'abri d'être influencé. Il n'est pas à l'abri, lui aussi, de tomber dans cela et de devenir matérialiste et de ne penser qu'à la vie d'ici-bas et de ne penser qu'au bien, et de croire qu'en l'argent, de croire qu'au matériel, comme la majorité sont devenus. Et on voit que même beaucoup de musulmans, eh ben ensuite, sont tombés dans cela, à devenir matérialistes, etc., jusqu'à ce qu'ensuite les enfants sont éduqués à cela. Et de ce fait, ils ne pensent qu'à cette vie d'ici-bas. C'est pour ça que, regardez par exemple, la majorité des sociétés, ce confinement-là, pendant cette période d'épreuve d'épidémie, la majorité l'ont vécu mal. Alors qu'il y a un grand bienfait d'Allah en ça. La personne, il peut revenir vers Allah, il peut réfléchir sur son passé, il peut réfléchir sur ses péchés. C'est un moment que les gens peuvent se réveiller du coma dans lequel ils étaient. C'est un moment que la personne, il peut faire son autocritique, il peut s'examiner, hein. Il peut voir ses déficiences, il peut voir les manquements qu'il a eus. Donc Allah, Jalla Wa'ala, nous a donné des signes, Allah nous a donné une opportunité, pardon, pour revenir vers lui, subhanahu wa ta'ala. Combien de gens aimeraient sortir de leur tombe? Combien de morts voudraient sortir? Ils donneraient tout ce qui leur est cher. Ils pourraient donner tout ce qu'ils possédaient dans cette vie d'ici-bas. Des fortunes et des fortunes s'ils en avaient l'occasion, pour pouvoir ne serait-ce revenir au moins une heure. Connaître au moins, on va dire, une heure, une journée de Ramadan. Une journée de Ramadan. C'est une richesse inconsidérable. On ne peut pas considérer ça. C'est une richesse inestimable. Et c'est pour ça que lui, le musulman, il est dans un bienfait. Regardez cette ni'ma. Nous, on reconnaît le bienfait, par exemple, de ça. Confinement, en plein Ramadan, on peut pratiquer le hadith du prophète, sallam, rejoins, retiens ta langue, rejoins ta maison et pleure tes fautes. Et la personne qui va rejoindre sa demeure en essayant de s'améliorer et d'améliorer la relation qu'il a avec son Seigneur. Et Allah Jalla lui a donné ses instants. Il vit, hein. Il peut vivre ses instants et ses jours de jeûne. Et là, en plus, on rentre dans les 10 derniers jours. Donc là, on est dans les 10 derniers jours. Et ce soir, donc cette nuit, ça sera une nuit impaire. Là, le croyant, il est dans une nirma, dans un bienfait inestimable. On peut s'imaginer cela. Et regardez, tandis que d'autres, ils vivent mal ce confinement. Ils vivent mal ces jours-là. Ils ne savent même pas qu'on est en train de vivre des jours. Parmi ces jours-là, il y a la meilleure des nuits qui équivaut à toute une vie d'adoration, qui équivaut vraiment à toute une vie. C'est équivalent à 1000 mois. Elle est meilleure que 1000 mois. Ils ne savent pas qu'il y a cette nuit où Allah Jalla a fait descendre son livre, cette nuit où descendent les anges, cette nuit qui est la meilleure des nuits, et celui qui adore Allah en cette nuit, ben, il y a des affranchis de l'enfer, il y a des gens qui Allah Jalla leur pardonne tout. Alors il y a des gens qui, eux, ne pensent qu'à cette vie. Vous avez vu? Des gens qui pensent qu'à cette vie d'ici-bas, qui croient qu'au matériel, qui croient qu'en l'argent, qui croient qu'en bien, par exemple, l'immobilier, qu'au matériel, c'est ça, ils deviennent que matérialistes. Et donc, eux, ils aiment les gens qui ont de l'argent. Et comme on l'avait dit déjà dans d'autres allocutions, ce n'est pas des gens qui vont prendre en considération les valeurs morales. Les valeurs morales, ils en ont que faire. Mais eux, ce qu'ils prennent en considération, c'est les biens, le matériel. Donc si la personne, elle est riche, si la personne, elle a des biens à son actif, ils vont la considérer. Si la personne, elle appartient à un rang social, ils vont la considérer. Mais ils vont pas considérer les valeurs morales. Alors que la vraie richesse, c'est ces valeurs morales que la personne a. C'est la richesse du cœur, les bonnes valeurs que la personne a dans son cœur. C'est ça, en réalité, là, la réelle richesse. Mais ça, c'est les gens qui ont les yeux, on va dire, ouverts, qui ont une clairvoyance, qui ont des cœurs qui sont vivants, qui peuvent savoir et reconnaître ces choses. Donc ça, c'est un rappel. Pourquoi? Parce que regardez, le prophète Sam nous dit, si cette chose, lorsqu'on consulte Allah, c'est-à-dire si cette chose est un bien pour nous dans cette vie d'ici-bas. Et regardez, pour notre religion, c'est important, pour notre religion et notre au-delà. Et notre au-delà. Donc Allah ne nous interdit pas de bien vivre ici-bas, puisqu'Allah a dit au prophète, et n'oublie pas ta part de cette vie d'ici-bas. N'oublie pas ta part de cette vie d'ici-bas. Et on avait déjà fait le rappel sur ça. On avait dit tellement que le prophète, sallam, eh ben, il œuvrait pour l'au-delà. Parfois, c'était à en oublier cette vie d'ici-bas, puisque le prophète, sallam, ne jouissait pas des biens de cette vie d'ici-bas. C'est pour ça que les gens qui allaient voir le prophète, sallam, on avait dit pour eux, dès qu'ils voyaient le prophète, sallam, ils voyaient la situation du prophète, mais ils disaient, c'est une personne vraiment qui a délaissé cette vie d'ici-bas. C'est une personne qui a pas du tout l'allure d'un dirigeant, d'un roi, d'une personne qui a un certain pouvoir. C'est pas du tout, c'était pas ça. Le prophète Sam, c'était vraiment œuvrer pour l'au-delà. Et donc, de ce fait, le prophète Sam a inculqué ça à ses compagnons et à sa communauté, aux croyants. Et tellement le prophète s'est œuvré pour l'au-delà, donc Allah Jalla lui disait, voilà, tansa nasibak minad dunya. Et n'oublie pas, la tansa nasibak minad dunya. N'oublie pas ta part de cette vie d'ici-bas. Et un grand savant, comme on l'avait déjà dit, disait que nous, à l'heure actuelle, ce serait l'inverse. Nous, à l'heure actuelle, on est tellement pris dans cette vie d'ici-bas. Tous nos projets sont pour cette vie d'ici-bas. Souvent, on est dans la distraction, on est dans l'insouciance, on en oublie notre au-delà. On oublie hein, de penser à l'au-delà, à ce palais, ces maisons, cette récompense qu'il y a dans les paradis d'Allah. On en oublie tout ça. On est tellement plongé dans le matériel et dans l'amour démesuré de cette vie d'ici-bas que nous, il faudrait nous dire, et n'oublie pas ta part de l'au-delà. De nous faire le rappel. Et donc, regardez, dans cette prière de consultation, on considère aussi bien notre vie d'ici-bas. Allah ne nous interdit pas cela. On considère notre religion, très important, la préservation de notre religion. Et on considère notre au-delà, très important. Pourquoi? Parce que l'au-delà, c'est la vie qui dure et perdure. Alors que cette vie d'ici-bas n'est que passage et elle est éphémère. Elle ne dure pas, cette vie d'ici-bas. Il ne faut pas se laisser tromper. Alors que Shaitan, lui, veut nous tromper. Il nous dupe. En nous faisant penser qu'on va l'obtenir cette vie d'ici-bas. Personne ne l'obtiendra. Les richesses cette vie d'ici-bas, elles sont éphémères. Personne ne les aura d'une manière éternelle. Personne ne pourra obtenir cela. Mais Shaitan veut nous faire espérer. Il nous fait espérer. Il veut faire espérer que la personne, elle vivra très, très, très longtemps, que ça ne va pas s'arrêter, que la personne, elle va éterniser avec ses biens, avec son argent. C'est pour cela, Allah Jalwarna, lorsqu'il dit dans la sourate, Yersabu annama lahu akhlada. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ وَيْلٌ مَالَهُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا celui qui va rassembler de l'argent وَعَدَّدَهُ et il ne fait que compter, dénombrer cet argent en pensant يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ et il pense que cet argent va l'éterniser. Et ça, c'est comme ça que Shaitan y dupe les aides dans cette vie d'ici-bas. Donc on a un grand rappel dans la prière de consultation, c'est que lorsqu'on le consulte, on lui demande, il y a bien ici, il y a bien la mention, notre religion, fidini wa ma'ashi wa aqibati amri, wa aqibati amri. Pourquoi? Parce que ça, c'est important pour le croyant. Donc vous avez vu, la religion est importante. De ce fait, regardez, lorsqu'une personne se marie, par exemple, ça c'est un grand rappel aussi pour beaucoup qui, lorsqu'ils se marient, le fait de se marier, c'est pas que pour cette vie d'ici-bas, dans le sens, on se marie dans cette vie d'ici-bas, donc c'est un compagnon qu'on a dans cette vie d'ici-bas, mais c'est dans le sens, cette union-là, ça doit nous aider justement à accéder à ce paradis. Ça doit nous aider à atteindre, à être touché par la miséricorde d'Allah, ce printemps-là. Donc c'est un partenaire qu'on choisit pour faire ce chemin. Ce n'est pas n'importe quel chemin, c'est le chemin droit. C'est de cheminer sur Sabilullah, ce qu'on appelle Sabilullah, Sirat al-Mustaqim, dans le droit chemin, le chemin qu'Allah Jalla nous a ordonné de suivre sur le droit chemin et d'éviter de suivre les sentiers qui font dévier. Et donc là, la personne qui se marie, c'est ça, c'est pour son au-delà aussi. C'est-à-dire, lorsqu'on se marie, on fait une association avec une personne, ici, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette union, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour pouvoir réaliser le but pour lequel on a été créé dans cette vie d'ici-bas. Donc c'est un chemin que la personne, il va faire avec son conjoint, avec son partenaire. C'est une sorte d'associé pour accéder au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour accéder à la félicité. Et donc ensuite, ce couple-là, ils vont avoir une sorte de grande mission. C'est pour ça qu'on a une mission. Et cette mission, pour bien l'accomplir, il faut un bon partenaire. Donc il y a une grande mission dans cette vie d'ici-bas. Parmi cette mission qui est immense, la mission de ces couples, ensuite il y aura l'éducation d'une descendance, d'une progéniture, d'une autre génération, d'une nouvelle génération. Et donc c'est pour cela qu'il faut que ce couple soit solide pour ensuite former une bonne prochaine génération. Et donc une bonne éducation à donner. Ça, c'est une grande mission parmi les missions à donner. Donc, vous avez vu, c'est pour ça qu'il ne faut pas que les gens, à l'heure actuelle, du fait qu'on est dans des sociétés qui sont matérialistes, donc la personne, elle a tendance, lorsqu'il se marie, à ne regarder que le côté mondain. Donc, il ne recherche que, par exemple, la beauté. Il ne fait attention qu'à l'aspect physique de la personne. Et donc, il ne va pas faire attention à l'aspect religieux, la religiosité de la personne, par exemple, son aspect religieux, ses valeurs morales, sa piété. Parfois, ça, c'est des choses qu'on veut, mais on veut tout. Mais la personne, souvent, il va faire primer d'abord la beauté, le physique, le matériel. Et ça, il faut faire très attention. Il faut être prudent. Cette union-là, c'est une union pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, les personnes, ensuite, lorsqu'ils se marient, ils ont tellement été éduqués, on leur a inculqué une image du mariage, de l'union entre deux personnes à travers des séries télévisées, à travers des séries, hein, comme beaucoup ont été éduqués depuis tout petit, et à travers certains films. Donc, ils pensent que leur vie sera comme ce qu'il y a dans ces séries, ce qu'on leur a appris dans ces séries télévisées. Ils pensent que leur vie, ça serait ça. Alors, de ce fait, ils ont été éduqués avec ces séries-là et on leur a vendu de l'imaginaire. Donc, les gens vivent dans quelque sorte dans de l'imaginaire, avec des légendes. Alors, on leur a fait croire à certains coups de foudre. Alors, lorsqu'ils se marient, ils voudraient que leur mariage soit basé sur ça et que ça soit toute leur vie comme ça. Alors qu'il y a des hauts et des bas. La vie est comme ça, il y a des hauts et des bas. Et dès le départ, ces gens-là se sont trompés. C'est pour ça que leur mariage n'a pas été fondé sur des bases solides ou que les personnes, ils ont réellement recherché l'adoration d'Allah et l'au-delà. Alors, le fait que ces mariages et ces unions ont été mal fondées et bâties dès le départ, c'est pour cela qu'ensuite, on voit eh ben, ce qui se passe, on voit la réalité actuelle de tout ce qui se passe, jusqu'à ce que certains aujourd'hui en ont même peur du mariage. Tellement la réalité, ont rattrapé beaucoup de gens, et les gens voient hein, cette réalité autour d'eux, eh ben, jusqu'à ce qu'on voit que certains en ont même peur, et ça leur fait peur. Alors qu'en réalité, lorsque cela est bâti sur la taqwa, sur la piété, lorsque cela est bâti sur l'amour d'Allah, c'est-à-dire qu'on aime les gens pour Allah, subhanahu wa ta'ala, alors, lorsque les choses sont bâties pour Allah et on recherche la bénédiction auprès d'Allah, Allah, il va accorder du succès et de la réussite dans ces entreprises-là, et al-baraka, et la bénédiction. Et lorsque la chose est bénite de la part d'Allah, alors il n'y aura que du bien en cela. Ensuite, ça ne veut pas dire que des fois, il y a des hauts et il y a des bas. Parfois, il peut y avoir des désunions. Parfois, il peut y avoir des divorces, ça fait partie de la vie. Mais il peut y avoir des désaccords aussi. Mais l'important, c'est de bâtir les choses et de toujours, de bien bâtir les choses plutôt, qu'elles soient basées sur des bonnes, à partir de bonnes fondations et de toujours penser à son au-delà. Et de toujours penser à l'adoration qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est le but pour lequel on a été créé. Et donc, regardez, ça, c'est un rappel important du fait que lorsqu'on consulte Allah, on consulte Allah pourquoi? Pourquoi je fais ce rappel? Parce que beaucoup, donc, ils vont dire, je vais consulter Allah pour que l'affaire que je vais entreprendre, ça soit qu'un bien. Mais il y en a, ils auront tendance à penser que ça soit un bien que pour cette vie d'ici-bas. Il faut que, par exemple, la personne, il va investir, par exemple, il va faire un investissement dans un commerce. Lui, il veut fructifier ce commerce-là. Et donc, lui, il ne pense qu'à cette vie d'ici-bas. Il ne voit que l'intérêt, c'est cette vie d'ici-bas. Or, lorsqu'on consulte Allah, il faut demander à Allah, ce printemps-là, est-ce que cette chose, c'est vraiment un intérêt pour cette vie d'ici-bas? Naam, ça, c'est pas interdit. Mais aussi, est-ce que c'est réellement un intérêt pour notre religion? Parce que si, par exemple, c'est un intérêt que pour cette vie d'ici-bas, la personne, effectivement, avec cet investissement, il va fructifier, il va faire de l'argent, il va faire beaucoup d'argent. Mais si c'est au détriment de sa religion, si ça met sa religion en danger, alors est-ce que réellement cela est un bien pour lui? Alors si, par exemple, il va, mashallah, faire beaucoup d'argent, mais si c'est au détriment de sa religion, si c'est au détriment sur le compte de son au-delà, alors est-ce que réellement cette chose est un bien? Vous avez vu? Donc parfois une chose, elle peut être un bien dans cette vie d'ici-bas, mais elle n'est pas forcément un bien pour notre religion, et elle n'est pas forcément un bien pour notre au-delà. Et ce qui est important, c'est que cette chose, aussi bien si on désire qu'elle soit un bien pour cette vie d'ici-bas, c'est bien pour ça qu'on consulte Allah, ça c'est pas interdit, qu'on veut que ce commerce, cet argent qu'on investit, ou bien ce mariage, ou autre chose, ce voyage, soit un bien pour cette vie d'ici-bas, ça c'est pas interdit, c'est pour cela bien même aussi qu'on consulte Allah ce printemps-là. Mais aussi, il faut pas oublier qu'on consulte Allah, que cette chose aussi soit pas au détriment de notre religion et de notre au-delà, mais que ça soit quelque chose qui est un bien pour notre religion et qui est un bien pour l'au-delà. Donc vous avez vu, il faut que ces trois choses soient réunies. Il faut penser à ces choses-là. Et ces choses-là, mashallah, l'ilhamd, avec la grâce, c'est évoqué dans l'invocation. C'est pour ça que c'est une invocation qui est immense. Rien n'est omis. Et remarquez bien, observez bien, même l'inverse, puisque là, c'est lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, si tu sais que cette chose, et on nomme clairement la chose, est une source de bien pour moi, dans ma religion, dans ma vie présente et ici-bas. Ou bien, on peut dire, dans l'au-delà, destine-la moi et facilite-la moi, puis bénis-la pour moi. Donc vous avez vu, on demande à Allah, Jalla wa'ala, que si cette chose est un bien, pas que pour cette vie d'ici-bas, mais pour notre religion et pour notre au-delà, alors on demande à Allah qu'il nous la facilite, et on demande à Allah qu'il nous la destine, et qu'il la bénisse, qu'il nous mette la bénédiction. Cette invocation, elle est immense. Et regardez, et à l'inverse, et si tu sais, oh Allah, que cette chose est pour moi une source de mal. Par contre, là, on demande. Par contre, il y a Allah, si c'est une source de mal, cette chose-là, donc Allah ne la destine pas pour nous et ne la facilite point pour nous. Mais regardez, à l'inverse, pareil. Si cette chose est un mal, pour cette vie d'ici-bas seulement? Non, on dit, pour cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire pour cette vie présente, pour ma vie présente, et ici-bas et dans l'au-delà. Vous avez vu? Et dans l'au-delà. Donc si c'est un mal pour cette vie d'ici-bas et celle de l'au-delà, alors on demande à Allah qu'il ne la destine point, cette chose, pour nous. Et regardez, si tu sais que cette chose est une source de mal, dans ma religion aussi, hein, dans ma vie présente et dans ma vie future, donc toujours ça c'est lié. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir la pensée. La pensée, cette pensée-là pour préserver, protéger sa religion, c'est important. Protéger bien sûr aussi sa vie et préserver ici ses intérêts pour son au-delà. Toujours avoir cette pensée hein, que ces projets-là soient un bien pour notre religion, notre vie présente et notre vie future. Eh bien regardez, alors on dit que si cette chose est un mal, on demande à Allah qu'il la détourne. Oh Allah, alors détourne-la de moi et détourne-moi d'elle et prédestine-moi le bien là où qu'il se trouve. Et là, regardez, hein, c'est très important, on demande à Allah Jalla Wala ensuite de nous prédestiner le bien là où qu'il se trouve. Puis fais que je me satisfasse de cette décision. Et voilà, en conclusion, ce qu'on dit dans cette invocation, dans la prière de consultation. Donc on avait dit la prière de consultation, parmi les règles, comme le prophète Sam nous l'a enseigné. On a dit donc qu'on doit faire deux unités de prière, deux rak'at. Donc ça peut, tant que ce n'est pas une prière obligatoire. À condition que ça soit pas une prière obligatoire. Donc il faut que ça soit une prière surrogatoire. C'est pour ça que certains savants ils considèrent soit une prière surrogatoire d'une manière absolue, une manière absolue, hein, une prière qu'on va dédier juste à la prière de la consultation. Donc on fera deux unités de prière, ensuite on implorera Allah par cette invocation. Ou bien ça peut être une prière surrogatoire qu'on fait d'habitude, une prière par exemple celle de la matinée, Al-Duha. Ça peut être la prière par exemple de la rak'at surrogatoire qu'on fait après le tawaf. Qu'on fait après le tawaf. Ça peut être prière qu'on fait après les ablutions. Par exemple, ça peut être la prière qu'on fait pour la salut de la mosquée, comme on avait cité les exemples dans l'allocution précédente. Donc, ça peut être une prière surrogatoire. Mais on a dit que certains savants disent qu'avant, il faut faire l'intention qu'on va faire la prière de consultation. Donc, on a ces deux manières-là. Soit une prière surrogatoire qui est liée à une cause, ou bien ça peut être une prière surrogatoire indépendante. Ici. Qu'on fera, qu'on va dédier, consacrer juste à la prière de consultation. Et c'est ce qui est ahwat, c'est ce qui est bon. Alors on fait deux rak'at, on a dit. Ensuite, à quel moment on va invoquer? On a dit après la salutation. Donc après les salutations, on a dit lorsqu'on fait les salutations. Ensuite, là, on invoque Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important. Et on avait détaillé cela. On avait dit certains sont dit ce qu'on peut faire au sujoud, dans la prosternation, dans la prière, au sein même de la prière. Ou bien avant les salutations. Ça, c'est l'avis de certains savants, mais beaucoup de savants disent qu'il est préférable, mais après les salutations. Que ce soit après les salutations, parce que c'est ce qui est apparent. C'est ce qui est apparent du récit qui nous a rapporté du prophète Ansem, comment qu'il l'a enseigné à ses compagnons, comme on l'a dit dans la dernière allocution. Ensuite, une fois, donc on a consulté Allah, subhanahu wa ta'ala, alors il est bon ensuite de revenir à une personne. On peut demander conseil ensuite à une personne. Surtout si la personne, par exemple, il n'a pas ressenti qu'il a eu une réponse, il est toujours indécis, par exemple. Si la personne se sent toujours indécis, alors ensuite, il est bon, par exemple, qu'il interroge une tierce personne, une personne qui considère qu'une personne qui est douée de bon sens, une personne, par exemple, qui est connu pour sa piété, une personne qui est connue pour sa raison, alors de lui demander, de demander conseil à cette personne. Est-ce que ce qu'on appelle al-mashoura, ce qu'on appelle al-mashoura, est-ce que cela, il va le faire avant la prière ou après? Certains ont considéré avant. Ont considéré avant la prière, de faire al-mashoura. Mais ce qui est authentique, beaucoup de savants considèrent que c'est après la prière. C'est après la prière. Et en l'occurrence, c'est l'avis dont fait allusion Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen. Al-Uthaymeen, ils disent ce qui est plus plausible et ce qui est plus authentique, que cela se fasse après. An yuqaddima al-istikhara, qu'il fasse d'abord la prière de consultation, ensuite il peut, idha hamma ahadukum bil amr, falyarka'a. Parce que le prophète Sam dit, lorsqu'une personne, donc il a quelque chose, il doit faire une consultation alors qu'il fasse deux unités de prière. Donc d'abord il fait la consultation. Ensuite, si il a ressenti, il a eu une réponse, il est plus hésitant, il sait ce qu'il doit faire. Soit il entreprend, soit il n'entreprend pas. Soit il délaisse le projet, soit il ne le délaisse pas. S'il a une réponse, alhamdoulilah, sinon il a le droit de réitérer. Il a le droit de réitérer. C'est pour ça que les savants, là, il y a une grande question importante. Est-ce qu'on pourrait réitérer plusieurs fois une prière de istikhara pour une même chose? Beaucoup de savants disent que oui, il est permis. En l'occurrence, Cheikh Al-Uthaymeen ici va faire allusion à cette question-là en disant wa illa a'ada al-istikharata marratan thaniya wa istashara dhawi al-khibra wa al-salah wa al-amana. Il dit que oui, la personne, il peut refaire la salat al-istikhara. Donc si on a fait une fois et on est toujours hésitant, on est toujours dans le doute, alors on peut refaire. Cheikh dit, wa illa a'ad al-istikhara. On peut refaire cela. C'est pour ça que c'est certains savants qui permettent cela et disent qu'on peut la refaire l'istikhara pour le même point, pour la même consultation, si vous voulez, pour le même projet, qu'on puisse la refaire. Et là, donc, Cheikh Al-Athmi dit qu'il la refasse une deuxième fois, wa istashara dhawi al-khibra, et ensuite, il peut demander ensuite à une personne connue pour sa khibra, pour son expérience, connue pour sa droiture, hein, pour sa justesse. Une personne qui est douée de sens, connue pour son amana, une personne aussi digne de confiance. Alors ensuite, on peut revenir à une tierce personne et ensuite lui faire part de cela. Et là, Cheikh, maintenant, on va terminer avec une question. Il dit, et comment qu'on peut considérer quelle est la meilleure des affaires? Lorsqu'on consulte Allah, donc on est dans le doute, est-ce qu'on doit faire cette chose ou on ne doit pas la faire? Donc on doute entre deux choses, soit faire, soit ne pas faire. Soit mener à bien ce projet, soit ne pas mener à bien cela. Lorsqu'on a fait l'istikhara, quand est-ce qu'on peut savoir la réponse? Al-Jawab. Et dit la réponse. Donc, cela se fait selon plusieurs considérations et différentes considérations. Et Cheikh Al-Uthaymeen va citer différents points. Il dit, premièrement, lorsque, awalan, اطمئنان لأحد الأمرين يعني يرى أنه راضي واطمئن. Première chose, c'est que il peut ressentir une sorte de confiance en lui, un apaisement si vous voulez, une tranquillité, une quiétude si vous voulez. يرى أنه راضي واطمئن. Alors s'il a fait sa prière de consultation, ensuite il va se sentir apaisé pour l'un des deux, soit faire le projet mener à bien ou soit délaisser ce projet, ne pas le mener à bien. S'il est apaisé par exemple sur le faire et d'aller jusqu'au bout et de mener à bien ce projet. S'il est apaisé et trouve une tranquillité et une sérénité, il commence à ressentir en lui une sérénité et donc il voit ça en lui, alors ça, c'est des signes. C'est des signes. Donc, comment reconnaître ici la réponse à cette consultation? Ça peut être par ce sentiment de bien-être. La personne ne fait pas forcément de bien, mais la personne, il va trouver en lui une sorte de sérénité, une tranquillité, d'apaisement pour l'un des deux. Pour l'un des deux. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ثانيا, أنه ربما يرى في المنام ما يقوي أحد الاحتمالين. Il dit, deuxièmement, peut-être il peut avoir la réponse dans un rêve. Et cette réponse, ça peut se faire que dans un rêve, il va voir une chose dans son rêve, ou il va faire un rêve qui renforce son sentiment, par exemple, sur l'un des deux choix qu'il devait accomplir. Par exemple, s'il devait mener à bien un projet, il va voir dans ce rêve ce qui renforce ce choix de mener à bien ce projet. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le rêve, parce que beaucoup de gens, ils voient que la réponse peut se faire que dans un rêve. Mais il n'y a pas que un rêve. Ça peut être d'autres choses comme on est en train de le dire. Premièrement, on a dit l'apaisement. Ressentir une sorte d'apaisement et de sérénité en soi-même, sur l'un des choix. Deuxièmement, Shamla Azmin dit, ça peut être dans un harem, effectivement, ça peut être dans un, mais il n'y a pas qu'un rêve. La réponse n'est pas que tout le temps dans un rêve, mais ça peut se faire dans un rêve, c'est-à-dire on va faire un songe ou un rêve qui renforce l'un des deux choix. Troisièmement, Thalithan, troisièmement, il dit, parfois, ça va, on va entendre une parole après qu'on ait consulté Allah. En effet, ça peut se faire, comme dit Cher ici dans ce troisième point, par une parole optimiste. C'est-à-dire que après qu'il ait fait la prière de consultation, il peut entendre une parole, par exemple, une parole optimiste qui va dans le sens, de l'une des deux choses dont il doit faire le choix. Donc, par exemple, ça peut se faire dans ce sens-là. Donc, après qu'il ait fait la prière de consultation, il entend autour de lui, par exemple, une parole optimiste qui va dans le sens de l'un des deux choix. Dans ce cas-là, ensuite, il peut faire son choix. Et ça peut être une réponse. Il peut avoir une réponse en cela. Il dit, Rabi'an, ça c'était troisièmement. Quatrièmement, Annahu yatayassaru lahu al-wusul ila ahadil amrayn wa yata'assaru al-amru thani. Quatrièmement, comment on peut considérer la réponse aussi? C'est que il va trouver une facilité à obtenir l'un des deux ou à concrétiser l'un des deux. Il va avoir une facilité. Et par contre, il va avoir la difficulté pour concrétiser l'un des deux. Donc lorsqu'il voit qu'ensuite il a une facilité, par exemple, il a une facilité pour concrétiser tout, tout est facile. Par exemple, la personne, il fait une prière de consultation pour se marier, par exemple, un exemple, hein, pour se marier, et il voit, par exemple, que tout est facilité. Tout est facilité. Tandis que le fait de délaisser, tout est obstrué. C'est plutôt le délaissement que c'est difficile. Mais tout va dans le sens, il a une facilité pour le faire. Ça, c'est des signes. C'est des signes de réponse à la consultation. Et que là, il peut mener à bien son projet. Comme un voyage, s'il voit qu'il a une facilité pour un voyage, il fait une consultation pour un voyage, il voit qu'il a une facilité. Alors, ça peut être des signes. Par contre, s'il voit qu'il n'y a que des signes, il n'y a que des signes qu'il n'a pas la facilité pour obtenir ou pour faire ce voyage, par exemple, il n'y a que des obstacles. Il voit qu'il y a, après qu'il ait fait ses istikhara, il a fait une fois. On a dit que Cheikh Al-Athaymine voit et d'autres savants voient qu'on peut la faire une deuxième fois. Ensuite, on peut faire le mashura. On demande à une personne douée de raison. Alors, là, s'il voit qu'il n'y a que des obstacles et que des difficultés, ça aussi, c'est des signes. C'est des signes. Donc, il faut bien considérer. Donc, vous avez vu toutes ces différentes considérations que Cheikh Al-Athaymine dit que ça peut être des signes. Ensuite, Cheikh Al-Athaymine va conclure avec cela en disant que vraiment, il fait le rappel que l'istikhara, c'est pour des choses donc on est indécis, vraiment, on est dans le doute. Est-ce qu'on doit accomplir ou pas? Comme on a dit précédemment, pour un voyage ou autre, ou un projet, un investissement ou autre, hein, il y a de nombreuses et de nombreux exemples. Mais pas pour les choses, comme on l'avait dit, on avait déjà fait allusion à cette question dans la dernière leçon, pas pour les choses qui sont légiférées. Car Allah Jalla Wala nous a ordonné, par exemple, une personne, il ne va pas faire l'istikhara, consulter Allah pour voir est-ce qu'il doit faire le pèlerinage, accomplir le pèlerinage ou pas. Là, le pèlerinage, là, ces questions-là, on doit revenir au livre d'Allah, ce printemps-là. Là, c'est le livre d'Allah. On consulte, par exemple, on va dans le livre et la sunna du prophète, on voit qu'il y a l'ordre d'accomplir le pèlerinage. Donc là, on n'a pas à faire la prière de consultation pour voir est-ce qu'on doit accomplir le pèlerinage ou pas. Ou bien la personne, il veut commencer, par exemple, la prière ou il veut consulter Allah, est-ce qu'il doit faire la prière ou pas. Là, il n'y a pas de consultation puisqu'Allah, Jalla Wala, l'a déjà ordonné dans son livre. Donc, c'est déjà dit dans son livre. Donc, des personnes qui viennent et Shaitan, vous avez vu, Shaitan a exploité l'ignorance de beaucoup. Et Shaitan a dupé beaucoup de gens. Il y a des gens aujourd'hui qui vont dire, non, tu sais qu'on est dans une époque, le Hajj est devenu commercial, donc c'est un sujet financier, c'est économique, c'est commercial, donc il faut boycotter, il faut pas faire, etc. Ça, c'est des duperies de Iblis, de Shaitan. C'est un pilier de l'islam. Quoi qu'il en soit, quel que soit le prix, la personne doit l'accomplir. Il doit faire son pèlerinage, au moins une fois dans sa vie. Donc, pas se faire duper par ces paroles d'ignorants. Et souvent, ces paroles, c'est pour des gens à la base qui ne veulent pas y aller, qui ne veulent pas faire le pèlerinage à la base. Donc, des gens se cherchent des excuses et se trouvent des prétextes. À la base, ils ne veulent pas l'accomplir. Donc, ensuite, ils essayent de se satisfaire par des prétextes. Ils essayent de se trouver une bonne conscience. Une bonne conscience avec ces prétextes. C'est commercial, c'est financier, c'est un but. les gens en font un commerce, etc., etc. Et de ce fait, ils se privent de cette grande adoration et de cette obligation. De même, la prière. Il y a des gens qui vont dire, oh, tu sais, la prière, c'est les gens qui ont des péchés qui font la prière. Mais la personne qui est pure et qui est bonne n'a pas besoin de faire cette prière. Mais qui est-ce qui a dit ça? Le prophète Sansalm lui-même faisait la prière. La prière fait partie des fondements de cette religion. Donc c'est pour ça que ça, lorsqu'on cherche des réponses à cela, là on ouvre le livre d'Allah et la sunna du prophète Sansalm, mais là il n'y a pas de prière, de consultation à faire. Mais on lit le livre d'Allah. Et Cheikh Ibn Athmin va conclure d'une manière très remarquable avec un verset. Lorsqu'Allah dit « Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul » Si vous disputez au sujet d'une chose, vous divergez au sujet d'une chose, hein, vous êtes en désaccord au sujet d'une chose, si vous voulez, « Farudduhu ila Allahi wa rasul » faites-le revenir à Allah et à son messager. C'est-à-dire au livre d'Allah et à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Faites revenir cela au livre d'Allah. La personne veut entreprendre le hajj, il regarde dans le livre d'Allah, il est à l'ordre d'entreprendre le hajj, alors il le fait. Il veut prier, il ouvre le livre d'Allah et la sunna du prophète, il va voir qu'il y a l'ordre de prier, tout simplement. Donc ces questions-là, il faut revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, ce n'est que tafi bihad al-qadr. Surtout, on se fait ce rappel, comme on a dit tout à l'heure, le bienfait de ces derniers jours, le bienfait de ces dernières nuits du Ramadan, le bienfait d'être dans une période où les gens sont confinés, c'est une période où il faut se rappeler Allah, ses fautes, et n'oubliez surtout pas la parole. Surtout, on se quitte avec cette parole. Lorsqu'on est dans la nuit du destin, surtout la parole à répéter, Allahumma innaka afun wa tuhibbul afwa fa'fu anna. Ô Seigneur, tu es le grand pardonneur, tu aimes le pardon, fais-moi, accorde-moi le pardon. Accorde-moi le pardon, une traduction relative. Et ça, c'est Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Ce n'est pas n'importe qui. C'est la bien-aimée du prophète, Aïcha, son épouse, qu'il considérait, qu'il aimait, dont il avait beaucoup d'affection. Elle lui a demandé, si j'atteins la nuit de destin, qu'est-ce que je dois dire? Le prophète lui a dit, tu dis, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Alors la personne dit ça, ô Seigneur, tu es le grand pardonneur, tu aimes le pardon, fais-moi pardon. Et vous ne savez pas, toute votre situation, elle peut changer. Si avant le Ramadan, avant ces jours-là, on était déficient, on avait des manquements, on avait beaucoup de fautes, vous savez pas, juste avec cette parole, vous avez atteint la nuit du destin, elle équivaut à toute une vie d'adoration. Peut-être que toute la situation de la personne change et peut-être qu'il va avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une ni'ma, dans un bienfait d'Allah. Des gens paieraient des fortunes considérables pour pouvoir ressentir ce que les croyants ressentent. لو عرف الملوك وأبناء الملوك النعمة التي نحن فيها لجاهدونا بالسيوف. Si les rois et les enfants des rois savaient dans lequel bienfait nous vivons, alors ils combattraient ces gens pour leur prendre cela. لجاهدونا بالسيوف. Parce que les gens veulent s'accaparer des biens du peuple. Et là, on est vraiment dans un bien qui est inestimable. Allahu a'lam. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت كنا على قلوبنا على دينك اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره واللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.